Hanoi, Hanoi, Hanoi, Hanoi, Hanoi, Hanoi, Hanoi, Hanoi, and above. On a Oh, Yeah. chaque cloche dans le cœur. Boulboulonne, je chaque cloche dans le cœur. Cloche de l'air. Cloche de l'air. Cloche come on. شنشنه جاری بی برف و جنکون، شنشنه جاری بی برف و جنکون.